بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل في هذه الدروس في تفسير سورة الفاتحة on continue donc ces cours dans l'exégèse de سورة الفاتحة aujourd'hui le quatrième cours Et, Wallahu alam, sûrement l'avant-dernier cours. On a vu plusieurs choses essentielles. Ra'ayna umuran muhimma fi ad-durus al-madiya. Minha ra'ayna ma'na kalimat Allah. On a vu la signification du mot Allah. Qui me rappelle la signification de ce mot? Allah, fakulna Allahu al-ma'boud. La signification de Allah, c'est al-ma'boud. Wa zakarna mas'alat al-khawf wal-raja. On a cité le sujet de la crainte et de l'espoir. Ay al-khawf min al-adhab wa al-raja. Raja an al-mar yarju rahmat Allah. Et donc, la crainte du châtiment, on a vu le sujet de la crainte du châtiment et l'espoir de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, lequel des deux, le serviteur, doit-il mettre en avant? La crainte ou l'espoir? L'espoir, les deux. Les deux ensemble. Et donc, on a dit, yajibu alayhi an yajma'a bayna al-khawf wal-raja. On a dit, il est impératif que l'individu il rassemble entre les deux l'espoir et la crainte. Wa qulna inna Allah tabaraka wa ta'ala dhakara fi hadhihi surah surah al-Fatiha annahu maliku yawmiddin. Et donc on a dit que Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans cette sourate qu'il est le maître du jour de la rétribution. Comme dans sa parole maliki yawmiddin. طيب ولكن الله تبارك وتعالى مالك جميع الايام cependant Allah c'est le maître de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'ici il a cité le jour de la rétribution de façon spécifique? C'est parce qu'ici il y a des rois et tout ça. Qui dirige et tout ça. Mais Allah c'est pas lui le maître, mais le jour de la résurrection, il y a que lui. Le jour de la résurrection, il y a pas de roi, pas de royauté pour qui que ce soit et personne ne pourra être profitable à qui que ce soit. Taïb. Aujourd'hui, on continue donc, et le verset qui vient d'après, c'est إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ الْآيَةُ مُتَعَلِّقَ بِالْعِبَادَةِ Ce verset est lié à l'adoration. Je n'ai pas traduit le verset intentionnellement. On verra la traduction, Inch'Allah, après. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Mais je pense que beaucoup ont déjà une traduction en tête d'après les traductions qui sont citées dans le Mus'haf. Et donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset est lié à l'adoration. Wal kalam alladhi qulnahu sabiqan nukarriruhu huna. Et ce que nous avons dit précédemment, on va le répéter ici. Al mar'u fil ibada yajibu alayhi an yajma'a bayna al khawfi wal raja. L'individu dans son acte d'adoration, il est impératif qu'il rassemble entre les deux, la peur et l'espoir. فَيَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ عَمَلُهُ Et donc il a peur que son acte d'adoration ne soit pas accepté. وَيَرْجُو مِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُ Et en même temps il espère que Allah Azza wa Jal accepte de lui cet acte qu'il accomplit. Et on continue, Inch'Allah ta'ala, et ensuite on verra un autre sujet important. J'espère que je ne vais pas oublier parce que je ne l'ai pas noté. فمن هنا ننطلق إلى مسألة أخرى وهي شروط العبادة. Et à partir de là, on aborde un autre sujet. Donc ce sujet, c'est les conditions de l'adoration. Puisque tu veux, tu espères que ton acte d'adoration soit accepté. et tu as peur qu'il ne soit pas accepté. Donc tu dois réunir les conditions qui vont faire que cette prière, que cet acte d'adoration soit accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Youssouf, quelles sont les conditions ? Mahiya shurut qabul al-ibada ? L'adoration. Adoration ? Les conditions de l'acceptation. Le Et l'ikhlas, barakallahu fik. Al-mutaba'a wa al-ikhlas. Donc, comme il a dit, donc, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif et d'accomplir un acte d'adoration qui soit spécifique et exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالإخلاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Et donc l'intention, l'exclusivité dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, certes les œuvres valent en fonction de leur intention. Les œuvres valent en fonction de leur intention. Les œuvres dépendent de l'intention. Si l'intention est exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala, cela permet à ton acte d'être accepté. الشرط الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et donc la deuxième condition, le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, cette condition elle est tirée de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, à notre législation, son acte est rejeté. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et celui qui espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il accomplisse de bonnes actions, qu'il accomplisse des œuvres pieuses, et qu'il n'accorde à son Seigneur aucune divinité dans l'adoration, aucun associé dans l'adoration, et qu'il n'accorde à son Seigneur aucun associé dans l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et qu'apparaissent ceux qui sont les meilleurs en œuvre, qui sont ceux qui sont les meilleurs dans l'accomplissement des œuvres. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dit en expliquant ce verset, il dit Akhlasuhu wa aswabu. Il dit ce qui est voulu par là, ce sont les œuvres qui sont les plus exclusives et les plus correctes. Qalu ya Aba Ali. Mais akhlasuhu aswabu. Alors ils ont dit, oh Aba Ali, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est voulu par les œuvres les plus exclusives? Et quelles sont les œuvres les plus correctes? Il a répondu Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah en disant Innal amal idha kana khalisan lillah wa lam yakun sawaban lam yukbal. Certes, l'œuvre, si elle est spécifique, si elle est donc spécifique pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qu'elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée. Wa inna al-amal idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal hatta yakuna khalisan sawaban. Et certes l'œuvre, de la même façon, certes aussi l'œuvre, si elle est correcte, mais qu'elle n'est pas spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, si elle n'est pas exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala, alors elle n'est pas non plus acceptée jusqu'à ce qu'elle soit exclusive et correcte. Wa akhlasuhu ma kana lillah wa aswabuhu ma kana ala sunnah. Et ensuite il finit en disant rahimahullahu ta'ala, et les œuvres les plus exclusives sont celles qui sont pour Allah. Et celles qui sont les plus correctes sont celles qui respectent la sunnah. Et donc il est important, ô serviteur d'Allah, que tu rassembles entre ces deux conditions. وَلَا يَلِيكُ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّ وَيَكْرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ إياك نعبد وإياك نستعين وهو يخاف أن لا يتقبل منه عمله ثم يبتدع. كيف تخاف أن لا يقبل منك وأنت تبتدع؟ Et donc ce n'est pas convenable que le musulman, il prie, il récite ses versets, il craint, il a peur que son œuvre, son acte d'adoration ne soit pas accepté. Il a peur. Mais il va faire des actes d'adoration. Il se contredit. Si tu as peur que ton acte d'adoration ne soit pas accepté, alors respecte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ne va pas prier parce que, oui, moi je suis malikite, oui, moi je suis hanbalite, oui, moi je suis hanafite, oui, moi je suis shafite. Taï, wa rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, on fait quoi? Comme on a vu, donc dernièrement, un très bel exemple qui se répète chaque année avec Zakat al-Fitr. Un très bel exemple, chaque année qui se répète cet exemple. À chaque fois, tu vas conseiller tes frères, tu vas conseiller des imams à la mosquée. Tu leur dis, ya jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est acquitté de Zakat al-Fitr en nourriture. Les compagnons aussi, même chose. Pourquoi est-ce que vous nous citez l'argent? Qala Abu Hanifa. Et tu dis, l'imam Abu Hanifa a dit, طيب فالله تبارك وتعالى أرسل أبا حنيفة ولم يرسل محمدا. الله تبارك وتعالى il a envoyé Abu Hanifa, il n'a pas envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. طيب, si c'est pas ça, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu accomplis tes actes d'adoration comme lui t'a montré. وإلا فأنت متناقض. Si tu ne fais pas ça, tu te contredis toi-même quand tu veux que ton acte soit accepté mais que tu ne respectes pas sa sunna. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc, il est important, chers frères, qu'on comprenne ce principe essentiel. Et avant d'aller plus loin dans l'explication, j'aimerais aborder un point important. Ici, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». La traduction, c'est « Toi seul que nous adorons » et « C'est à toi seul que nous implorons, que nous demandons » le secours, l'aide. Ici, il y a la particularité du pluriel que nous adorons. Wa nata'ammal ayyuha al-ikhwa fi kawn al-muslimin barakallahu fik. Nata'ammal ayyuha al-ikhwa fi kawn al-muslimin kullihim مع اختلاف اللغات والبلدان يعبدون ربا وإلها واحدا. On médite sur le fait que tous les musulmans, malgré leurs différences de langue, malgré les différents pays, les différentes cultures, ils vont adorer une seule divinité. Ils vont adorer une seule divinité. Des gens qui te viennent de tel pays, de si, il faut parler l'italien, ça, toutes ces langues dans une seule mosquée. Dans une seule mosquée. Et après, ils vont nous dire, c'est la religion des Arabes. Subhanallah. Vous avez médité sur la situation actuelle des musulmans? Vous avez médité sur leur situation actuelle. Et c'est là qu'on est content quand on voit quand même cet amour qu'il y a dans une seule mosquée, malgré les différences des langues. Parfois, tu as certains frères, ils ne vont pas bien comprendre le français, mais ils viennent quand même assister au cours, etc., etc. Il y a une rahma, une miséricorde, une entraide, un amour entre les frères, malgré ces différences de langage, ces différences de culture, ces différences d'origine, ces différences de couleur. Tout ça, c'est la beauté de l'islam. Tout ça, c'est la beauté de l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc, on continue, les frères. Et donc, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Iyyaka na'budu. On a ici, donc, le maf'oul qui a été cité avant le verbe. C'est connu dans la langue arabe, lorsque tu veux faire une phrase, tu vas d'abord citer le verbe avant de citer le maf'oul. N'est-ce pas, Hussein? Et là, ici, on a le Iyak, Allah, ce qui est voulu ici parce que c'est Allah qu'on adore, qui a été cité avant le verbe. Les savants nous disent « Hada yufidul hasan ». Cela nous montre un caractère spécifique. Cela nous montre ici une exclusivité. Et donc la signification c'est « La na'budu illa ant ». Nous n'adorons que toi. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Subhanallah. Wa qad dhakarna anna al-isti'ana 'ibada. On a cité précédemment que al-isti'ana c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration l'isti'ana, le fait de demander, d'implorer de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc pourquoi est-ce que Allah azza wa jalla il nous dit c'est toi seul que nous adorons? Donc l'adoration de façon générale. Et ensuite, c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Ici, une adoration de façon spécifique. Pourquoi ici? Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce que cela implique? Nous avons besoin de lui pour l'adorer. Barakallahu fikum. Cela nous montre ahamiyat al-ibada, ahamiyat al-isti'ana. L'importance du fait de demander de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'on a besoin de lui pour l'adorer. Aujourd'hui, si tu es venu dans cette mosquée, si tu es venu assister à ce cours, fa'alta dhalika li anna Allah tabaraka wa ta'ala waffaqaka li dhalik. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de le faire. Sans l'aide d'Allah, tu ne peux rien faire. Ne pense pas, ah, j'ai appris tant de versets du Coran, j'ai appris tant de hadiths, j'ai appris de ça. C'est parce que c'est moi. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui t'a permis de faire. Et donc, remercie Allah tabaraka wa ta'ala et demande-lui de l'aide. Demande-lui qu'il t'aide dans tes actes d'adoration. Et parmi les exemples qui montrent cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui parle de l'être humain, le pieux, celui qui, lorsqu'il devient adulte, qui médite sur les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordés, ses parents qui lui voulaient son bien. Qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi awzi'ni ashkura ni'matak an ashkura ni'matak allati an'amta alayhi wa ala walidayhi wa an a'mala salihan tarda. Il dit, ô Seigneur, permets-moi, alhimni wa waffiqni, Seigneur, montre-moi et permets-moi de te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés et que tu as accordés à mes parents. Et permets-moi d'accomplir de bonnes actions que tu agrées. Subhanallah. Et donc, cette personne se rend compte que ce qu'elle fait de bien, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de faire cela. Et donc, demande à Allah tabaraka wa ta'ala, tu veux avancer dans ta religion, demande à Allah azza wa jal. On a du mal à demander, on est là tout le temps, on ne veut pas demander. Demande à Allah azza wa jal, on va demander aux créatures. Certains qui viennent, souvent nos frères qui sont éprouvés par sorcellerie ou autre, souvent il faut demander aux créatures, demande à Allah azza wa jal, demande à Allah qu'il t'accorde la réussite, qu'il t'aide, qu'il te facilite dans tes actes d'adoration. Et donc, il est impératif aux chers frères qu'on médite tous sur ce passage très important. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, dernier cours, Inch'Allah ta'ala, wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.